Alicia Bridges sur RGM, un peu plus de 8h36. On parle anniversaire avec ceux qui sont donc nés un 15 juillet 1939. Naissance de Patrick Wayne, acteur américain, fils du célèbre acteur John Wayne, vu dans Rio Grande ou encore La prisonnière du désert dans le rôle du lieutenant Green Hill, dans le film dans lequel il a joué aux côtés de son père. 1948, naissance d'Anne Sinclair, journaliste française qui a présenté 7 sur 7 de 1984 à 1997 ou encore Question à domicile de 85 à 89. 1952, naissance de Terry O'Quinn, acteur américain, vu dans la série Jack, dans le rôle de Thomas Boone, alias dans le rôle de Kendall, le sous-directeur du FBI, à la Maison Blanche, dans le rôle du général Nicholas Alexander, Lost les disparus, dans le rôle de John Locke, ou encore Hawaii 5-0, dans le rôle de Joe White. 1953, naissance d'Alicia Bridges, chanteuse américaine. 1956, naissance de Marky Ramone, musicien américain qui fut membre des Ramones de 1978 à 83 et de 87 à 96. 1959, naissance de Vincent Lindon, acteur français, vu dans L'étudiante, Ce qui reste, Mes amis, mes amours, La loi du marché, dans le rôle de Thierry, récompensé au Festival de Cannes par le prix d'interprétation masculine et également par le César du meilleur acteur, ou encore vu dans Rodin, dans le rôle d'Auguste Rodin. C'est également l'année de naissance de Patrick Timsit, humoriste, acteur français, vu dans Un Indien dans la ville, dans le rôle de Richard Montignac, Pédale douce, dans le rôle d'Adrien, L'emmerdeur, dans le rôle de François Pignon, Sur la piste du marsupilami, Star 80, la suite, dans le rôle d'Antoine, Robin des Bois, La véritable histoire, Dalida ou encore Santa et compagnie. 1961, naissance de Forest Whitaker, acteur américain, vu dans Platoon, Good Morning Vietnam, dans le rôle d'Edward Garlick, Bird de Clint Eastwood, dans le rôle de Charlie Parker, alias Bird, récompensé au Festival de Cannes par le prix d'interprétation masculine, vu également dans Prêt-à-porter, La Mutante, Panic Room, Fun Game, Le Dernier Roi d'Écosse, dans le rôle d'Idi Amin Dada, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur, Le Majordome, dans le rôle de Cecil Gaines, Taken 3, Black Panther, dans le rôle de Zuri, vu à la télévision dans Urgence, Esprit criminel, dans lequel il apparaît dans un épisode, dans le rôle de l'agent Sam Cooper, avant de le voir dans Esprit criminel. Suspect Behavior. 1972, naissance de Scott Foley, acteur, producteur américain, vu dans la série télé Felicity, dans le rôle de Noel Crane, Scrubs, Cougar Town, Grey's Anatomy, dans 15 épisodes, dans le rôle d'Henry Burton, True Blood, Scandal, dans le rôle de Jack Ballard, et actuellement, on peut le voir dans la série Whiskey Cavalier, dans le rôle de Will Chase, où il est également producteur exécutif de la série. Les derniers épisodes seront diffusés samedi prochain, d'ailleurs. 1973, naissance de Brian Austin Green, acteur américain, vu dans la série télé Côte Ouest, dans le rôle de Brian Cunningham, surtout connu pour son rôle de David Silver dans Beverly Hills, ainsi que dans Melrose Place, dans un épisode vu dans Les Experts, Terminator, les chroniques de Sarah Connor, dans le rôle de Derek Riz, Smallville, dans le rôle de John Corbin, alias Metallo, dans 3 épisodes, et vu dans la saison 7 de Desperate of Wives, dans le rôle de Keith Watson. 1976, naissance de Diane Kruger, actrice allemande, vue dans Michel Vaillant, 3, dans le rôle d'Hélène de Troyes. Benjamin Gates, c'est le trésor des Templiers. Benjamin Gates, c'est le livre des secrets, dans le rôle d'Abigail Chase. Joyeux Noël, Les Brigades du Tigre, le film, Inglorious Basterds, Les Garçons et Guillaume à table, ou encore la série télé The Bridge, dans le rôle de Sonia Cross. 1977, naissance de Lana Parrilla, actrice américaine, vue dans la série télé Spin City, dans le rôle d'Angie Ordonez, Jag, Six Feet Under, 24 heures chrono, Lost, les disparus, Medium, Miami Medical, dans le rôle du docteur Eva Zambrano, mais on la connaît surtout pour son rôle de la méchante reine, alias Regina Mills, alias Ronnie, dans la série Once Upon a Time. 1980, naissance d'Erika Sanz, actrice espagnole, connue pour son rôle d'Erika dans la série télé Undo Stress. C'est également l'année de naissance de Yorick Trey, ancien joueur de hockey sur glace français, ayant fait carrière de 1998 à 2018. Il a joué entre autres à Helsinki, au Bruins de Providence, à Genève Servette, au Sparta Prague. Entre 2013 et 2015, il a joué pour les Brûleurs de Loup de Grenoble. Entre 2015 et 2017, pour les Dragons de Rouen. De 2017 à 2018, joueur de Mulhouse. De 2018 à 2019, c'était l'entraîneur-joueur de Mulhouse. plutôt entraîneur que joueur d'ailleurs. Et maintenant, il est coach adjoint en équipe de France, hein, aux côtés de Philippe Bozon. 1981, naissance d'Alou Diarra, ancien footballeur devenu consultant télé français. Ayant fait carrière de 1999 à 2017, il a joué entre autres au Bayern Munich, à Liverpool, Lens, Lyon, Bordeaux, Marseille, au Stade Rennais, et il a terminé sa carrière en jouant à Nancy. C'est également l'année de naissance de Taylor Kinney, acteur américain vu dans les séries Bones, Trauma dans le rôle de Glenn Morrison, Vampire Diaries dans le rôle de Mason Lockwood, Les Experts Manhattan, Rizzolien, Isle, Shameless, Castle, Chicago Fire dans le rôle du lieutenant Kelly Severide, ainsi que dans Chicago Police Department et Chicago Med. 1983, naissance de Gauthier de Fauconval, comédien belge connu pour son rôle de Jérôme Michelet dans la série télé Un Village Français. En 1957, décédé George Cleveland, acteur canadien, connu pour son rôle de George Miller dans la série télé Lassie. En 1997, décédé Gianni Versace, styliste italien, fondateur de la marque Versace, réputé internationalement pour ses créations vestimentaires ou encore cosmétiques. En 2017, décédé Martin Landau, acteur américain, vu dans La mort aux trousses dans le rôle de Leonard, Ed Wood dans le rôle de Bela Lugosi, Sleepy Hollow dans le rôle de Peter Van Garrett, la série Mission Impossible de la saison 1 à la saison 3 dans le rôle de Rollin Hand, ou encore dans la série FBI Porté Disparu dans le rôle de Frank Malone. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec The Ramones et leur titre Baby I Love You. The Ramones avec leur titre Baby I Love You sur le 107 FM. Il est pile 8h47, on fait tout de suite un point météo. La météo. Eh bien aujourd'hui, ce sera une belle journée ensoleillée avec un petit peu de nuages, mais rien de bien méchant. Des températures comprises entre 12 et 14 degrés ce matin, entre 22 et 24 degrés pour cet après-midi. Mardi sera une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 23 et 25 degrés prévus pour mardi après-midi. Mercredi, du soleil, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 25 et 27 degrés prévus pour mercredi. Mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Que s'est-il passé ce week-end, notamment sur le Tour de France? Alors, un point complet sur les trois étapes. Vendredi, l'étape a été remportée par Groenewegen. La huitième étape de samedi a été remportée par Thomas De Gendt. Deuxième place pour Thibaut Pinot. Troisième place pour Julien Alaphilippe, qui a d'ailleurs récupéré par la même occasion le maillot jaune. L'étape d'hier a été remportée par Impe. Premier français, c'est De La Place qui s'est classé dixième. Cette étape a été marquée notamment par la chute de Marquis. La dixième étape aujourd'hui, 217,5 km à parcourir entre Saint-Flour et Albi, étape dite plat. Un sprint intermédiaire au kilomètre 128,5. Il y aura une côte de quatrième catégorie et trois côtes de troisième catégorie. Pour les maillots distinctifs, le maillot jaune donc sur les épaules de Julien Alaphilippe, le maillot vert sur les épaules de Peter Sagan, le maillot à poids de meilleur grimpeur sur les épaules toujours de Tim Wellens et le maillot de meilleur jeune sur les épaules de Ciccone. Un mot de Formule 1 maintenant avec le Grand Prix de Grande-Bretagne qui a été remporté par Hamilton devant Bottas, devant Charles Leclerc, devant Pierre Gasly, quatrième. À noter que Romain Grosjean, lui, n'a pas terminé. Un mot de natation avec les championnats du monde et une médaille d'argent en eau libre samedi pour Logan Fontaine. Un mot de rugby féminin. Cette nuit en Super Série, la France s'est largement imposée 53 à 14 face aux États-Unis. Allez, on termine avec du tennis, un point complet sur Wimbledon. La finale féminine opposait Simona Halep à Serena Williams. Serena Williams qui n'a pas existé dans cette finale. C'est Halep qui s'impose en 2-7 en moins d'une heure de jeu, 6-2, 6-2. Par contre, côté messieurs, ça a pris beaucoup plus de temps pour départager Novak Djokovic et Roger Federer. Ils sont allés en 5-7, un super tie-break d'ailleurs dans le 5e set. Un match de folie, 13-12 donc dans le 5e set, remporté par Novak Djokovic en presque 5 heures de jeu. En double, messieurs, à noter que Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin se sont inclinés en finale. En double féminin, Mladenovic et Babos, elles, ont été éliminées en demi-finale, tout comme Stéphane Houdet dans la catégorie fauteuil. Et le tournoi des légendes a été remporté par Mickaël Yodra et Arnaud Clément. Plusieurs tournois cette semaine et aujourd'hui à Lausanne, Garcia affrontera Lautner et Ferro sera opposé à Bartel. Et côté messieurs à Bastad, Lestienne affrontera Grigelis. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite passer à notre dernière pause musicale. Comme je vous le disais en tout début d'émission, un titre qui a marqué l'été 2018. Il y a eu un indice un petit peu plus tôt dans les événements qui se sont déroulés un 15 juillet, il y a un an, presque pile. Puisque c'était un petit peu plus tard dans la journée, la France remportait sa deuxième étoile. Et bien donc on va s'écouter pour le coup VG Dream qui a donc marqué l'été 2018 avec son titre Ramener la coupe à la maison. Et ça c'est VG Dream de Gagno. Casser les manches comme Samuel, Samuel. Casser les manches comme Samuel, Samuel, un petit G. Casser les manches comme Samuel, Samuel, un petit G. Casser les manches comme Samuel, Samuel, un petit G. Et si y'a trop, on toujours appeler Benjamin Mendy. Et si y'a trop, on toujours appeler Benjamin. bon frappe, Kylian Mbappé. J'sais plus si j'suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé. J'sais plus si j'suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé. Ramenez la coupe à la maison. À la maison, VG Dream, et désolé si vous avez la chanson dans la tête pour le reste de la journée, mais voilà, c'était le tube qui a marqué donc notamment notre été 2018. J'aurais pu également vous passer Magic System avec Magic in the Air, pourquoi pas d'ailleurs, d'ici le 14 août ça peut éventuellement être possible. Et d'ailleurs aujourd'hui, un reportage avec Didier Deschamps sera diffusé sur les réseaux sociaux de l'équipe de France de football qui va nous raconter son 15 juillet à lui. Allez, il est un peu plus de 8h55 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 11h, durablement vôtre. 15h, ce sera Salut les 60 avec Gérard, consacré à Hugo Frey. 20h, le calendrier des esclavages et des libérations avec François. Minuit, la Christoire du cinéma. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.